écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Nous sommes le mardi 2 février 2021, nous sommes en direct, il est 14h01 et c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre nouvelle émission proposée sur Radio Gamozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je recevrai un ou une invitée pour nous parler de son métier, de son association ou autre, et ce, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, je reçois Olivier Claudon, portraitiste animalier, peintre, illustrateur. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va ? Bien, bien. Donc pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? En quelques mots, Olivier Claudon, oui, comme vous avez dit, artiste peintre illustrateur de profession depuis plus d'une trentaine d'années en tant qu'artiste libre, donc ce qui veut dire à mon compte. Je suis originaire de la Bresse. D'accord. Et j'habite à Cornimont dans une ancienne école que j'ai rénovée pour en faire un atelier d'artiste, là où je travaille tous les jours. D'accord. Donc vous êtes surtout portraitiste animalier, c'est ça ? Oui, maintenant, oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. Donc quel a été votre parcours ? Mon parcours, pour résumer, je dirais qu'il a commencé dans les années fin 70, début 80. D'accord. Par trois années d'études aux arts appliqués à Lyon. D'accord. Et ensuite, donc pour une formation de, à l'époque, ça s'appelait brevet de technicien en arts appliqués, option arts graphiques. Et après le diplôme, je suis rentré dans les Vosges. N'ayant pas réussi à trouver tout de suite un emploi, disons, dans cette profession qui, à l'époque, n'était pas très, très, connue ou très facile à trouver ici dans nos régions. C'était plutôt du travail de ville, dans le sens où, dessinateur maquettiste, on allait plutôt le faire dans un studio graphique ou une agence graphique ou une agence de com. Mm-hmm. Et n'ayant pas réussi à trouver... À me faire embaucher par rapport à la formation que j'avais eue et en ayant prospecté dans les grandes villes, dont Paris, et là où j'avais reçu des conseils de directeurs artistiques comme quoi il valait mieux que je travaille en indépendant. D'accord. Surtout partant de l'observation qu'ils avaient eue sur mon dossier que je présentais. Ils trouvaient plutôt idiot de travailler dans une agence ou un studio en ne faisant plus qu'une seule technique ou un seul style par rapport aux commandes de l'agence, alors que j'étais très polyvalent déjà à l'époque. D'accord. Et donc ces personnes ont été très judicieuses en m'indiquant qu'il valait mieux que je choisisse une autre route, c'est-à-dire de devenir indépendant. D'accord. Et donc après quelques années d'embauche dans une entreprise Bressot pour gagner sa croûte au début, hein, bien sûr. Bien sûr. Je me suis mis à mon compte en 88. D'accord. Donc je me suis inscrit à la Maison des Artistes. Et donc, depuis 1988, je travaille comme un artisan, en fait, puisque j'ai un statut d'artiste qui est un statut comme un artisan. Mais je fais un travail d'artiste et je travaille pour tout type de clients, quelles que soient les commandes, quels que soient les sujets, quels que soient ce qu'on va me demander sur les choses à illustrer. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut vous demander d'autres, voire vous passer commande d'autres choses que des animaux ou que les animaux en ce moment, du coup, actuellement ? En fait, pour résumer, ces 30 années, enfin un peu plus de 30 années qui se sont passées, j'ai surtout travaillé au début dans la polyvalence. D'ailleurs, c'est ce que j'explique un petit peu si on va sur mon site professionnel. On me qualifie d'artiste caméléon, c'est-à-dire que je suis capable de m'adapter un peu comme un artisan d'art, puisque j'ai fait beaucoup du travail avec un cahier des charges, ce qui n'est pas normalement la façon de travailler d'un artiste. D'accord. Même si mon travail reste un travail d'artiste, sauf que pour vivre dans les Vosges de son art. En tant qu'indépendant, c'est assez compliqué. Donc, comme moi, j'avais des possibilités graphiques, artistiques, de faire de la polyvalence, je me suis adapté à cette façon de fonctionner en répondant aux sollicitations des clients, mm-hmm. quel qu'il soit, puisque c'était du client qui était aussi bien privé que professionnel. D'accord. Qui était du client aussi bien commerçant, artisan, entreprise. associations institutionnelles et quel que soit aussi le sujet à traiter, que ce soit du réalisme, de l'humoristique, que ce soit du grand format, du petit format, quel que soit le support, entre le crayon, la peinture, la fresque, la toile, l'affiche, le logo, tout ce qu'on me demandait, moi je m'adaptais en fonction du cahier des charges du client. D'accord. Mais avec les années qui se sont passées, qui se sont écoulées, je me suis beaucoup consacré à développer mon travail autour de ça, en négligeant un peu le côté création artistique personnelle. Et depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, j'ai essayé de basculer. J'étais plutôt avant du 80-20%, maintenant j'essaye de basculer dans le sens inverse, et en arriver aujourd'hui à pratiquement faire plus que du 80% de création personnelle, vraiment de la création qui m'est propre. Mm-hmm. Et puis il me reste quelques clients récurrents qui me demandent des travaux de temps en temps, mais le but c'est d'arriver justement à ne faire pratiquement plus que, je dirais presque plus que de la peinture animalière, enfin de la création animalière. D'accord. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, je veux dire par là que la création animalière faisait déjà partie un peu de mon travail au début, mais c'était pas vraiment une grosse partie, et c'est venu petit à petit. C'est quelque chose que j'ai commencé à développer, je dirais, après les années 90-2000, avec non seulement moi la redécouverte d'une discipline que j'avais plus ou moins abordée mais que je n'avais pas vraiment approfondie. Mm-hmm. Et que j'ai redécouvert et que j'ai envie de travailler, et puis aussi par rapport à la demande du client. Bien sûr. Donc pour peindre les animaux, c'est sur plusieurs supports que vous les peignez. Oui, c'est ça. J'en reviens à ce côté polyvalence, c'est-à-dire que aussi bien moi de mon côté, quand je crée des œuvres pour les salons, pour les expos, pour les festivals ou même pour du privé, mm-hmm. Je peux travailler le même thème animalier. Pour résumer, j'ai à peu près trois techniques d'approches différentes sur un plan artistique. J'ai trois techniques différentes qui vont à la fois du dessin animalier crayonné ou dessin animalier où j'interviens avec de la couleur, et je travaille avec une autre technique qui est plutôt une technique aquarellée, retravaillée après avec du crayon. Mm-hmm. Et puis la troisième technique est vraiment la peinture animalière à l'acrylique sur toile. Mais ça, je le fais aussi bien moi en travail perso que en travail pour le client. Et j'en reviens encore, c'est toujours cette histoire de cahier des charges. C'est-à-dire que le client qui peut me commander un sujet, qui vient avec une idée de reproduire son chien, ou qui est chasseur, qui veut un cerf, ou alors quelqu'un qui est fan de, je sais pas moi, de félin, de primates ou autre chose, je vais lui demander ce qu'il veut avoir comme création, si c'est un dessin, si c'est une peinture, puis le format aussi, et voire même le style. D'accord. Et donc je m'adapte. Est-ce que vous n'avez pas forcément un style de prédilection, un style favori, si? Si, quand même. Mon style, depuis le début, j'ai une technique très très réaliste. Je fais du dessin, de la peinture très très réaliste, quel que soit le sujet d'ailleurs. Hein, c'est pas obligé que ce soit de l'animalier. D'accord. Si c'est du portrait ou même si c'est du technique. Hein, j'ai travaillé pour des entreprises qui me demandaient de faire des sortes d'illustrations qui parlent de leur travail. Mm-hmm. On se rapproche d'un travail très très technique, très réaliste, très proche d'une réalité qui pourrait être de la photo, si on veut. D'accord. Mais des fois avec des techniques différentes en fonction de ce que le client aime aussi, comme bien rendu. Sûr. Bien sûr. Donc en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai lu plusieurs articles vous concernant, et j'ai remarqué que vous vous comparez à un graveur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors ça vient de... Alors il y a plusieurs choses pour remonter en arrière. Il y a la formation. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation à Lyon, j'ai découvert... j'ai débarqué à Lyon à 15 ans, après le collège. Mm-hmm. J'ai quitté mon fond de vallée pour me retrouver dans une grande ville, baigné dans un milieu artistique que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais pris un cours de dessin, je n'avais jamais eu de cours particuliers, je ne fréquentais pas les musées. Et j'ai découvert en 3 ans... des techniques différentes, des matériaux différents, et dont, entre autres, le dessin. Mais le dessin pur, le vrai travail de dessin, l'étude documentaire, l'anatomie, la perspective, le dessin graphique. Et j'ai découvert le dessin noir et blanc. Le dessin noir et blanc en crayon, comme le dessin en gravure ou à l'encre de Chine, par exemple. D'accord. Et j'ai aimé ça tout de suite. Ça correspondait à ma personnalité et puis ma façon de travailler. Et même si maintenant je fais beaucoup de peinture, peinture animalière, j'aime bien revenir aux origines de tout ce qui est l'art pictural, c'est-à-dire le dessin. Et en ayant une très grosse formation de dessinateur, puisque c'était vraiment la base de cette école, j'ai toujours aimé ça. Et au fur et à mesure des années, je me suis développé un style graphique, c'est-à-dire ma patte, quoi, sur un plan graphique. Et c'est vrai que je considère que, avant tout, il faut vraiment, entre autres, quand on travaille dans le réalisme, il faut savoir dessiner, quoi. Bien sûr. Donc, à revenir à cette idée, ce que vous m'avez demandé à l'instant, c'est ce style graphique que j'aime développer, que j'ai travaillé pour me faire mon coup de patte, mon style, mais qui ne s'est pas fait en un an ou deux ans. Hein. C'est 30 ans de pratique et de savoir-faire. Oui, bien sûr, c'est sur la longueur. Oui. Donc, pareil, dans ces mêmes articles, j'ai remarqué que vous aviez beaucoup dit que votre animal fétiche en peinture, votre muse, c'est la vache vosgienne. Pourquoi ? Pourquoi la vache vosgienne ? Ben parce que c'est toute une histoire, c'est pareil, ça c'est... Alors, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est quelque chose que je raconte assez souvent. Habitant à la Bresse jusque dans les années donc jusqu'à ce que je quitte la Bresse pour Lyon à la maison, mes parents avaient des animaux de ferme, donc des vaches vosgiennes. Bon, mon enfance elle s'est passée autour d'une ferme en contact avec cet animal. À l'époque je ne dessinais pas, enfin je gribouillais. Et puis finalement quand je suis revenu dans les Vosges, j'ai repassé encore quelques années à la maison. Les vaches étaient toujours à la ferme, mais je ne les dessinais toujours pas. D'accord. Je les avais sous la main, mais je ne les dessinais toujours pas. Pourtant, je les connaissais par cœur. Et puis, finalement, ça s'est développé. Alors, c'est marrant parce que j'ai commencé à les peindre vraiment, il y a une date précise, c'est 1994. Par rapport à des photos que j'avais prises de vaches, et je me suis dit, tiens, j'ai essayé de faire ce sujet en peinture. Puis j'ai découvert finalement un animal que j'aimais bien peindre, mais que j'avais jamais abordé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait derrière ça, il y avait une attente, voire une demande du public. D'accord. Et puis finalement, j'ai commencé à développer ce travail autour de la vache vosgienne en peinture. Alors que mes parents venaient d'arrêter d'exploiter une ferme. C'est-à-dire que je les ai eus pendant 20-22 ans sous la main. Je les ai jamais peints. Et j'ai seulement commencé à travailler sur ce thème alors que la ferme n'était plus exploitée. D'accord. Comme s'il y avait derrière une forme de besoin de rendre une forme d'héritage, et puis de besoin de rendre quelque chose, de remontrer quelque chose qui a disparu et que j'aurais dû faire, et que j'ai loupé, quoi, si on veut. Et donc, du coup, en développant cette technique de représentation de la vache vosgienne en peinture, ben, je me suis mis à le développer au fur et à mesure des années. D'accord. En me rendant compte que finalement, un peu comme tous les peintres, on a tous plus ou moins un sujet de prédilection. Hein. Dans le monde animalier, moi je rencontre d'autres peintres ou d'autres photographes ou graveurs ou dessinateurs qui ont tous, disons, plus ou moins un animal fétiche, si on veut. Il y a énormément de gens qui travaillent le thème des félins, le thème des primates, les éléphants sont beaucoup dessinés. Dans le milieu chasse, il y a beaucoup d'artistes qui peignent ou qui dessinent cerfs, chevreuils, sangliers. Et dans le monde paysan, la peinture paysanne, il y a toujours eu des peintres de peinture paysanne, mais c'est assez général. C'est plutôt montrer les basses-cours, montrer les troupeaux, montrer. Mais la vache, pas trop. D'accord. Et moi je l'ai exploité ce créneau, mais c'est un créneau qui est revenu tout naturellement. C'est-à-dire que je suis totalement légitime dans le sens où cet animal, moi je l'ai connu, donc j'ai vécu avec, je l'ai connu, je l'ai côtoyé, et finalement je le travaille comme si je l'avais toujours fait. Sauf que maintenant, je le fais avec un but, presque revendicatif. D'accord, ok. Donc, je propose que nous nous lancions tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à les appeler, une première pause musicale que vous avez choisie. Nous allons écouter Stromae avec Ave Caesarea, et on se retrouve, comme d'habitude, juste après. Si, on va. Ta voix font tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà. Après tant d'années, et voilà. Une de perdue, c'est ça? Je te retrouverai, c'est sûr. C'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Après tant d'années, et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Chapeau pour la route à pied, nuet et nueté, diva au pied nu restera. Et à Caesarea, et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Caesarea, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Caesarea, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà. Après tant d'années, et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Soldat. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Stromae avec Ave Césaria. Nous sommes toujours en direct sur Radio Gemozo dans Fréquence Libre. Il est 14h20, bientôt 14h21. Et nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Claudon, portraitiste animalier, peintre et illustrateur. Ça va toujours ? Mais oui, très bien. Donc, comme vous l'aviez dit avant la pause musicale, vous aviez pendant toute votre enfance la vache Vosgienne sous les yeux, mais vous ne l'avez jamais peinte. C'est seulement après que vous avez eu le déclic, entre guillemets. Donc, vous arrive-t-il, par exemple, de peindre aussi, comme vous l'avez déjà dit aussi, pour d'autres personnes, des animaux, des... Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que quand on fait de la peinture, dans mon cas, par exemple, de la peinture animalière, on fait des salons, on fait des expos, on a des clients pour qui on travaille sur une commande. En plus, maintenant, on a les réseaux sociaux, bien sûr. Les comptes professionnels sur Internet, donc on met des visuels. C'est d'ailleurs un très bon moyen de diffuser et de montrer ce qu'on sait faire. Donc le public voit le travail. Et ce travail donne des idées, c'est-à-dire que le client voit une peinture animalière dans une expo ou sur mon compte Facebook, par exemple, d'une vache vosgienne, et la personne peut se dire, ah ben, s'il est capable de faire, faire cet animal avec une telle précision ou dans ce style qui plaît donc à la personne, elle se dirige vers moi, puis elle me dit si vous pouvez faire ça, vous pouvez me faire moi j'adore les renards, vous pouvez me faire un renard. Ou alors j'ai eu un client par exemple l'année dernière en ayant vu mes toiles de Vosgienne m'a demandé de faire un toucan. Ça n'a rien à voir mais ce qui lui plaisait, c'était ma façon de traiter le sujet techniquement, qui lui a donné l'idée de me passer cette commande, parce que il s'est dit, ben moi je suis collectionneur de toucans, j'en ai en sculpture, en peinture, en gravure, est-ce que vous pourriez me faire un toucan en peinture dans le même style, enfin la même technique, le même savoir-faire technique que vous le faites pour vos vaches. Donc je lui ai réalisé son toucan en fonction de ce qu'il m'avait demandé, c'est-à-dire tel format, telle attitude de l'animal, telle couleur de fond. D'accord. Donc, justement, vu qu'on parle des commandes, est-ce que vous en recevez beaucoup, des commandes en tout genre ? Alors, par rapport à la question, ça dépend par rapport à toute mon activité depuis plus de 30 ans, ou bien ces dernières années, c'est un petit peu ça qui fait... Ces dernières années, on va... Oui, parce que moi, j'ai toujours travaillé à la commande, puisqu'il m'a fallu que je vive de mon métier. Bien sûr. Maintenant, je travaille moins à la commande, puisque je développe beaucoup plus le côté création personnelle, pour justement après pouvoir exposer et faire des salons, pour me montrer aussi dans ce milieu-là, dans le milieu de l'art animalier. Mais depuis ces dernières années, c'est vrai que dans le milieu commande, peinture artistique animalière, j'en ai de plus en plus. Mais c'est la publicité que j'ai faite tout autour de mon travail, à travers les salons et notamment les réseaux sociaux, que j'ai pu développer cette publicité. D'accord. Donc, vous êtes également spécialisé dans la peinture réaliste, voire très réaliste. Donc, quelle démarche effectuez-vous avant de débuter une œuvre ? Est-ce que vous prenez des photos ? Vous faites des recherches dans des bouquins ? Alors, oui, alors ça dépend des sujets. D'accord. Je vais donner par exemple. Je vais donner un exemple qui est différent de la peinture animalière. Pendant une quinzaine d'années, j'ai collaboré avec l'imagerie d'Épinal. Mm-hmm. En tant qu'imagier, je faisais partie de la cellule de création. Et en gros, je dirais de 99 à 2014, je sortais deux ou trois images d'Épinal pour l'imagerie. Et en dehors de mes images de création personnelle que je proposais à la cellule, j'avais aussi des fois à travailler pour des clients qui venaient voir l'imagerie, pour qu'on aborde un travail de création d'images sur un thème précis. D'accord. Par exemple, j'ai fait des images, j'ai travaillé par exemple pour... j'ai travaillé sur le sujet par exemple de la pêche à la mouche, j'ai travaillé sur le sujet de l'abeille, ou alors le sujet, un sujet sur le pain, par exemple. Mm-hmm. J'ai fait aussi des images sur, pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Que ce soit pour une abeille ou pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en fait, je travaille le sujet à fond. C'est-à-dire que je me documente, je recherche des livres, je me documente sur Internet, je rencontre les gens concernés, que ce soit une profession ou alors un hobby ou autre chose. Hein, la pêche à la mouche, je n'ai pas voulu que ce soit des professionnels. Mais en discutant avec un apiculteur ou bien avec le responsable de la communication de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'ils me parlent de leur métier, de ce qu'ils font. Je me documente. Après, il y a tout un travail de recherche pour monter une image. Et après, il y a encore un deuxième travail de validation avec la personne concernée. Puisque c'est des images c'est des sujets, entre autres, qui sont traités de manière très réaliste. Mm-hmm. Où on n'a pas le droit, entre guillemets, à l'erreur. Quoi. On ne fait pas une caricature ou une satire d'un sujet. Bien sûr. Sur mon image de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, si je recrée une situation de sauvetage en milieu nautique ou en milieu style gratte-ciel ou un incendie ou des gestes de sauvetage sur une personne, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Ne serait-ce aussi bien au niveau de l'équipement du pompier que dans les gestes. Ou ne serait-ce que le détail d'un grade sur l'uniforme. Donc du coup, on est obligé d'être très précis, de se documenter, comme quelqu'un qui écrit en fait un livre historique. Et à ce niveau-là, alors ce qui est intéressant par contre, ça peut paraître comme ça un petit peu ardu ou compliqué d'être obligé de travailler sur un cahier des charges très précis. Mais non, c'est très intéressant parce que c'est une forme de défi. Mais en même temps, ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'apprends des choses. Bien sûr. Et quel que soit le sujet, si j'ai travaillé pendant 8 ou 15 jours sur un sujet, une abeille ou un pompier, la pêche à la mouche ou sur l'histoire du pain, ce sont des images d'Épinal, hein, j'ai appris quelque chose. Quand je ressors de cette création, une fois que la création est finie, j'ai appris plein de choses sur le sujet. D'accord. Oui, donc c'est tout bénef, comme on dit. Tout à fait. D'accord. Donc, pour en revenir à vos peintures animalières, vous, comme on l'a dit, vous peignez beaucoup la vache vosgienne, mais vous aimez aussi beaucoup peindre l'animal sauvage. Pourquoi l'animal sauvage, le lynx, tout ça? Alors là, c'est pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme tous les peintres animaliers, enfin les artistes animaliers, on a toujours tous plus ou moins quand même un animal fétiche, enfin ou plusieurs. Ça ne s'explique pas toujours. Soit c'est beaucoup une histoire de comment dire de sensibilité et aussi d'esthétisme. D'accord. C'est-à-dire que, sans être peintre animalier, si on fait des sondages ou si on discute avec les gens dans la rue, tout le monde arrivera toujours plus ou moins à sortir un type d'animal préféré. Pourquoi plus le cheval que le cerf, ou pourquoi plus le gorille que la baleine, ou pourquoi plus, je sais pas moi, le lion que le dauphin. Et pour un peintre animalier, c'est la même chose. J'ai des collègues peintres animaliers qui ne font que des félins. Et dans les félins, par exemple, je connais une peintre animalière qui a pratiquement 70% de sa production, c'est la panthère des neiges. D'accord. Elle est fascinée par cet animal, elle le fait énormément sous toutes ses coutures, quoi. Comme d'autres vont faire le gorille. Enfin, ma sculpture animalière, il y a énormément de sculpteurs sculptent le gorille. Alors sûrement parce que c'est un animal qui a une certaine force, une présence, qui est intéressant à sculpter. Alors qu'on voit beaucoup moins de sculpteurs de hérons ou d'insectes, par exemple. C'est sûr. Mais il y en a. Donc pour en revenir à ça, moi, au niveau en dehors de la vache vosgienne, j'ai aussi quelques préférences, même si j'aime bien me lancer des défis à peindre ou à dessiner d'autres animaux. Mais moi, je ne fonctionne pas tellement... pour les autres animaux, il y en a certains quand même que j'aime bien. Je sais que j'aime bien les félins, mais j'aime bien surtout le lynx. Ça aussi, peut-être aussi par rapport à un côté sentimental, par rapport aux Vosges. Moi, je peins les autres animaux. C'est souvent plutôt un défi par rapport à la difficulté de l'animal, par rapport à la façon dont je vais le réinterpréter graphiquement ou alors parce que je l'ai jamais fait. Et puis je me dis, tiens, celui-là, il doit pas être facile à faire au niveau couleur, au niveau rendu, parce que les poils sont pas faciles, ou alors les écailles, ou alors les plumes. Voilà. Même si j'ai quand même une attirance pour tout ce qui est primate, tout ce qui est félin, ça c'est pas faux. J'ai aussi pas mal travaillé sur le gibier dans le sens animaux de la faune sauvage, et surtout la faune sauvage des Vosges, entre autres pour des créations d'images pour l'imagerie d'Épinal. D'accord. Donc justement, pour vos créations, avez-vous un ou plusieurs modèles duquel ou desquels vous vous inspirez, que ce soit dans le monde de la peinture ou dans un autre domaine? C'est-à-dire inspirer l'animal lui-même ou inspirer par rapport à d'autres artistes? À d'autres artistes. Ça c'est assez compliqué. Comment dire? Enfin compliqué, c'est compliqué, simple. C'est-à-dire que moi j'ai une approche. C'est pas trop une question sur laquelle je me suis posé. D'accord. En peinture animalière, sur un plan historique, il y a énormément de choses qui ont été faites. Même si ça reste un art mineur par rapport à la peinture, les grands artistes, même du passé, alors encore plus contemporains. Mm-hmm. Qui travaillent dans le milieu de l'art animalier ne sont pas du tout reconnus, alors qu'ils sont très très très très très compétents et très très forts, quoi. C'est impressionnant. Sauf que dans les expos, si on prend les expos de la FIAC, les grandes expos européennes, des grands salons, la peinture et animalière, elle passe derrière la peinture tout court, si on veut. Mais bah, en inspiration, moi, on parlait tout à l'heure de dessin graphique, enfin de traits, de dessin. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est, comment dire, dessin animalier, des graveurs du 19e siècle. D'accord. J'ai découvert d'ailleurs ça en histoire de l'art, en cours d'histoire de l'art, pendant mes études. Et par exemple, il y a un dessinateur graveur que j'adore, c'est Gustave Doré. Qui entre autres avait fait de magnifiques planches sur le thème des fables de La Fontaine. D'accord. Donc, pour en revenir aux animaux, j'avais préparé une question plutôt originale, on va dire. Si vous étiez un animal sauvage, lequel seriez-vous? Si j'étais? Oui. Ben vous en avez parlé, hein, le lynx. Voilà. Donc, à part la peinture, vous arrive-t-il d'effectuer d'autres actions, toujours dans le domaine des animaux, d'aider par exemple, je sais pas, un animal, une vache à mettre bas ou autre? Vous voulez dire concrètement aider Oui. Ouais. Bon, alors déjà, j'ai quelques animaux à la maison. Mm-hmm. Un chat, parce que j'ai toujours aimé les chats, mais bon, j'ai pas un chat que pour ça, c'est-à-dire que je pourrais très bien vivre sans avoir un chat à la maison, c'est pas la question. Mais bon, ça colle bien avec un artiste, avec l'atelier, vous imaginez le chat qui dort sur le coin de la table à dessin, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, surtout en hiver. D'accord. J'ai des poules, j'ai un lapin, voilà. Bon, après, est-ce que ça vient aussi? Bon, j'ai de l'espace, hein, j'ai un peu de terrain autour de l'école, donc, enfin, de l'ancienne école, pardon. Donc, je suis revenu à mes origines, finalement. Mais par rapport aux vaches elles-mêmes, bah, moi, c'est ce que j'ai connu dans mon enfance. Hein, quand on avait une ferme à la maison, dans les années 70-80, on connaissait les animaux, on connaissait les vaches, il fallait s'en occuper, hein, toute l'année, donc c'était comme hiver. Donc le vélage, oui, j'ai connu, la traite des vaches, j'ai connu, j'ai pratiqué, donc je connaissais tout ça. Mais pour revenir à cette histoire de relation dans le sens aide, j'ai essayé de comprendre ce que vous vouliez me poser comme question. Ce que je fais moi maintenant, c'est entre autres, je fais des salons ou des expos où on vend une partie de notre œuvre au bénéfice d'associations de sauvegarde. D'accord. Entre autres, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Aranima. C'est une association nationale, même internationale, qui organise des expos en convoquant, le mot est pas beau, mais en demandant à des artistes animaliers, sculpteurs ou peintres, d'exposer leurs œuvres dans des galeries. Mmh. Alors j'ai eu l'occasion de le faire deux fois à Paris et une fois à Bruxelles, 12 Stromae. Oui. Pardon. Et quand on vend une œuvre, il y a une partie qui est reversée à des associations internationales de sauvegarde d'animaux. Ah oui. Pour de la réintroduction, pour c'est souvent beaucoup de l'animal c'est souvent les animaux sauvages emblématiques qu'on connaît, hein, c'est soit les animaux d'Afrique qui sont chassés, soit les animaux de comme l'ours blanc, comme la baleine. En général, c'est 20% de la vente d'une œuvre qui va directement à une association. D'accord. Ah oui, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait, oui. Donc, comme tous les artistes, je suppose qu'il vous arrive parfois de manquer d'inspiration. Donc, quand vous manquez d'inspiration, est-ce que vous avez un endroit, un lieu de prédilection qui vous inspire ? Ah, ça, c'est une bonne question. Le thème de l'inspiration, alors, ça dépend. Alors, il y a deux choses. On peut être en manque d'inspiration par rapport à un sujet qu'on nous a demandé. D'accord. Parce qu'on peut très bien avoir... il n'y a pas besoin d'avoir d'inspiration... à part sur un plan un peu technique, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'inspiration quand un client vous passe une commande, vous me dessinez tel sujet sur, dans cette telle technique. En gros, c'est comme si on amenait les matériaux sur le chantier, puis voilà, vous montez la maison, quoi. D'accord. L'architecte, à la base, c'est le client qui a dit, ben voilà, vous me faites tel animal ou tel sujet dans tel style. Où il y a besoin d'inspiration, et quand on n'en a pas, c'est quand on part de quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Un sujet avec une illustration bien précise pour créer un visuel pour une affiche, pour un événement, une création pour un logo, pour une entreprise, une société qui va se créer ou qui va se monter, il n'y a rien à la base. Après, dans l'autre domaine, la création plus personnelle en peinture, c'est vrai qu'on peut aussi avoir un problème d'inspiration. Par exemple, quand je m'inscris sur des concours de peinture, des salons où il y a un thème précis, mmh. on doit fournir une œuvre sur le thème donc du salon. Et là, il arrive que souvent le manque d'inspiration vient du fait de trop d'inspiration. C'est-à-dire que souvent on a plein d'idées, mais on n'arrive pas à faire le choix. Soit l'idée était trouvée tout de suite et puis on la trouve bonne, mais il arrive souvent qu'on a beaucoup d'idées et finalement on n'arrive pas à faire le choix parce qu'une idée va démonter l'autre. Ah oui. Et alors, pour en revenir à la question de base, et éventuellement un lieu d'inspiration, moi, c'est pas compliqué. Souvent, il m'est arrivé de trouver des idées en faisant totalement autre chose. C'est-à-dire que c'est pas sur la table à dessin que je trouve l'idée. D'accord. Je vais la trouver. Alors, il arrive qu'on la trouve comme ça, simplement en se baladant dans la maison, dans la journée, ou à table, en mangeant, ou le soir, au lit. Ça peut arriver. Mais moi, il m'est souvent arrivé de trouver l'inspiration en pratiquant le sport. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu déjà l'occasion de trouver des idées où j'étais obligé de raccourcir mon parcours de footing ou de ski pour pouvoir retourner vite faire à la maison ou retourner vite faire à ma voiture pour noter les idées qui arrivaient. Mm-hmm. Et pour qu'après, je puisse travailler le lendemain ou le surlendemain sur le sujet. Et j'en ai discuté une fois avec, justement, pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et j'en ai discuté avec, comment s'appelle-t-il, Denis Brognard. Ah oui. Le célèbre Vosgien qui fait beaucoup d'exercices qui fait beaucoup de défis sportifs. Mm-hmm. Puisqu'il, dans une conférence à la Bresse, à la Maison de la Bresse, dans l'émission où ils interviennent pendant 20 minutes sur un sujet, où ils doivent expliquer leur passion, leur motivation pour un sujet précis, il expliquait ce côté relâchement du cerveau quand on pratique le sport, ce dépassement de soi et tout ça. Et j'avais posé la question s'il comprenait pourquoi quand je faisais un effort physique... Mm-hmm. Ça libérait mon imagination. D'accord. Parce que c'est une histoire de cerveau droit et une histoire de cerveau gauche, en fait. Et on sait très bien que le cerveau artistique n'est pas du tout le même que le côté très, très pratique, très technique, très mathématique. Et finalement, je dois certainement déclencher une sorte de réflexion tout à fait naturelle. Quand on est dans l'effort, le cerveau, donc côté imagination, doit complètement se relâcher. Et c'est là que les idées doivent affluer. Mm-hmm. Alors que quand je les cherche, volontairement, souvent je ne les trouve pas. Ah oui, d'accord, je vois. Ok. Donc, je propose que nous nous lancions dans une nouvelle fréquence, un deuxième son. Nous allons écouter Amy Winehouse avec Rehab et on se retrouve juste après. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Amy Winehouse avec Rehab. Nous sommes toujours en compagnie de Olivier Claudon, artiste, peintre, illustrateur. Ça va toujours ? Eh oui, très bien. Ça. On peut continuer. D'accord. Donc, on a un petit peu discuté pendant la pause musicale et je crois que vous vouliez vous rectifier. Oui, j'ai fait une petite erreur, malheureusement, enfin, c'est pas bien grave. J'ai parlé de Denis Brognard, non, c'est Stéphane Brognard. C'est notre ami sportif qui lance des défis, c'est pas l'animateur des émissions de survie. D'accord. Donc, y a-t-il un lieu, un endroit dans lequel vous rêveriez d'aller et de visiter ? Ah. Oui, certainement, même si je suis pas un grand voyageur. Je cache pas que j'ai toujours parlé, ceux qui me connaissent entre autres, que j'aimerais bien aller, même si je sais que maintenant ces choses-là avec la planète, l'écologie, qu'il faut essayer de limiter ses déplacements, éviter tout ce qui est touristique. Bon, après, ça, c'est des choses qui se discutent, c'est un autre débat. Mais pour en revenir à l'animalier, pour en revenir au sujet de prédilection, c'est vrai que retourner sur les traces de Diane Fossé au Rwanda pour aller voir les gorilles de montagne, j'avoue que c'est quelque chose qui me... Comment dire ? Qui pourrait m'intéresser à peut-être un jour à le réaliser. D'accord. Bon, il y a d'autres choses, hein, bien sûr, mais sur un plan purement... géographique, j'aimerais bien plus pouvoir visiter les pays anglo-saxons. Mm-hmm. Malheureusement, je suis frustré par le fait que, bah, comme beaucoup de mes compatriotes, de grosses lacunes dans la langue de Shakespeare. D'accord. Et je trouve toujours dommage, moi, de... Même si on peut le faire, hein, sans parler ou maîtriser l'anglais, mais je trouve dommage de... Quand on peut pas communiquer, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Moi, quand je vais en vacances, ne serait-ce qu'en France, enfin surtout en France, moi je fais beaucoup de la chambre d'hôte, parce que ce que je veux, c'est rencontrer les gens du département où je vais en vacances, savoir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent, échanger, parler de ma région à moi, qu'ils me parlent de leur région. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas d'aller dans un club pour me coucher sur une serviette pendant 3 semaines sur une plage, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Et la communication, avec la langue, c'est toujours un peu compliqué, quoi. C'est sûr. Si certains de nos auditeurs ou certaines de nos auditrices veulent se lancer dans la peinture et dans l'art en général, que leur conseilleriez-vous ? De la patience. D'accord. Il y a deux solutions. Il y a deux choses. Soit on est doué à la base, comme dans d'autres domaines, hein, mais là on s'appelle Picasso, on s'appelle Beethoven, on s'appelle Michel-Ange, et à 10 ans ou 15 ans on maîtrise tout. Mais sinon, c'est de la patience, c'est du savoir. Même si on nous dit toujours c'est bien de travailler, de faire de son don un métier. Et moi je le dis tout souvent, enfin en tout cas c'est mon cas, il n'y a pas que le don derrière. C'est sûr, on a un don, mais il faut savoir le trouver, ensuite il faut le développer, et qui veut dire le travailler. Mm-hmm. Quelqu'un qui devient du champion olympique ou meilleur ouvrier de France dans un métier précis, ou alors je sais pas moi, pianiste, danseur de l'opéra, ça ne se fait pas en un jour. C'est des années de pratique, c'est les gammes qu'on fait tous les jours. Qu'on soit dessinateur, qu'on soit pianiste, qu'on soit coureur du 100 mètres, qu'on soit skieur, ou qu'on soit tennisman, qu'on soit pianiste. Enfin, il y a un travail derrière, et ce qu'on montre, ce n'est que la représentation d'années et d'années de pratique. Donc c'est pour ça que je dis patience. Patience, et puis regarder autour de soi ce qui se fait. Mm-hmm. Ne pas avoir peur de copier, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire copier dans le sens s'inspirer, pour pouvoir après se trouver son propre style, sa propre personnalité. D'accord. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, il va être 14h50 dans une seconde. Donc on va se lancer directement dans une troisième et dernière fréquence, un troisième et dernier son, avec Madonna et Like a Virgin, et du coup on se retrouve juste après pour la conclusion. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Madonna avec son hit datant de 1984, Like Virgin. Vous êtes toujours dans Fréquence Libre en direct. Il est 14h54 dans quelques secondes. Nous sommes toujours en compagnie de Olivier Claudon. Ça va toujours ? Oui. Donc, comme je le disais avant cette pause musicale, nous allons conclure cette émission. Avez-vous quelque chose à dire en guise de conclusion ou pas ? Ouais, si, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais ça serait pas de la conclusion, donc. D'accord. qu'est-ce que je pourrais dire? Simplement que, c'est intéressant de venir au micro dans ce genre d'émission, déjà, parce que ça permet de parler de, moi, en ce qui me concerne, de métiers que beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne pensent pas qu'on puisse en faire un métier, justement. D'accord. Ça permet aussi de, même si les émissions sont toujours un peu trop courtes, mais ça c'est normal, on le sait à l'avance, c'est le jeu. Ça permet aussi de, un petit peu de parler de l'envers du décor. Bien sûr. Souvent, comme dans beaucoup de métiers, notamment les métiers visuels qui touchent à l'art ou à la culture, on a une image de ce qu'est de la représentation, mais on ne voit pas ce qu'on appelle les coulisses. C'est sûr. Le travail d'atelier ou le travail de quelqu'un qui chante sur une scène ou un musicien ou une danseuse ou un sportif, on ne voit pas l'envers du décor. Et ça permet souvent dans ce genre d'émission de pouvoir parler de ce que le grand public ne peut pas, même ne serait-ce qu'imaginer, pour en arriver à créer une heure ou à faire 5 minutes de prestation, que ce soit musicale ou sportive ou autre chose, quoi. Bien sûr. D'accord. Donc cette édition de Fréquence Libre arrive à son terme. Merci Olivier Claudon d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai Alexis Frechin qui viendra nous parler de cours de karaté digitaux afin de maintenir une activité physique et sportive, même malgré la crise sanitaire actuelle. Cette émission sera rediffusée également demain à 18h sur nos ondes. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. On vous laisse en musique et avec vos programmes de la journée. Merci de votre fidélité à Radio Gemozo et je vous dis à très bientôt. Salut !